J'ai cherché longtemps la cause de cette partialité, et je n'ai pu la trouver que dans l'occasion qui la vit naître. Un goût croissant pour la littérature m'attachait aux livres français, aux auteurs de ces livres et au pays de ces auteurs. Au moment même que défilait sous mes yeux l'armée française, je lisais « Les grands capitaines » de Brantôme. J'avais la tête pleine des Clisson, des Bayard, des Lautrec, des Coligny, des Montmorency, des Latrimouille, et je m'affectionnais à leurs descendants comme aux héritiers de leur mérite et de leur courage. À chaque régiment qui passait, je croyais revoir ces fameuses bandes noires qui, jadis, avaient tant fait d'exploits en Piémont. Enfin, j'appliquais à ce que je voyais les idées que je puisais dans les livres. Mes lectures, continuées et toujours tirées de la même nation, nourrissaient mon affection pour elles et m'en firent enfin une passion aveugle que rien n'a pu surmonter. J'ai eu dans la suite occasion de remarquer dans mes voyages que cette impression ne m'était pas particulière, et qu'agissant plus ou moins dans tous les pays sur la partie de la nation qui aimait la lecture et qui cultivait les lettres, elle balançait la haine générale qu'inspire l'air avantageux des Français. Les romans, plus que les hommes, leur attachent les femmes de tous les pays. Leur chef-d'œuvre dramatique affectionne la jeunesse à leur théâtre. La célébrité de celui de Paris y attire des foules d'étrangers qui en reviennent enthousiastes. Enfin, l'excellent goût de leur littérature leur soumet tous les esprits qui en ont. Et dans la guerre si malheureuse dont ils sortent, j'ai vu leurs auteurs et leurs philosophes soutenir la gloire du nom français, ternie par leurs guerriers.